Là, j'ai pas la basse. C'est un peu simple comme chanson. J'entends pas le piano. Salut. Et for you, Chow Lane, it's for you. Thank you. chanteur Joe Lane à la guitare. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blonds. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. C'est une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant. Comme toi. Comme toi. Comme toi. Comme toi. Come on my friend, I want to listen to Mr. Joe Lane à la guitare. Please, come on, come on. avec la guitare. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur du soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Bravo, merci, à bientôt. C'était génial. Ah ben, ça arrête pas. J'arrête ça. Thank you so much for this moment. Thank you so much. Tomorrow, I play music tomorrow. I'm going to drink a beer and eat something. Bye bye.